le microphone et ma shit est top. Qu'est-ce qui se passe maintenant MC, j'boxe. Même son cul à gage de bottes, mec. Toi-même tu sais comment ça se passe, roughneck. Je prends ma claque, tu prends ta claque. Prends ton spliff, je prends mon spliff. Qu'est-ce qui se passe maintenant, tu montes ton gun. J'prends le microphone, MC, j'te ferme ta gueule. Qu'est-ce qui se passe, garçon, j'suis fire. Fire, fire, bon pour les bam bam fire. MC, j'freestyle reggae. Toi-même tu sais comment ça se passe, j'vais m'énerver. MC, c'est du live, live, live. C'est du live, live, live. Dans le microphone avec les MC. Maintenant tout le monde crie dans la place MC. Ici c'est Belle et Zabrelli. J'prends le microphone maintenant, on est au buzzing. Qu'est-ce qui se passe, on fait le tour des îles. Même MC, Ripping the place from the vampire. Ripping the place from the vampire. Ripping the place from the vampire. Ripping the place from the vampire. C'est du freestyle fanatique, maintenant t'essaies de me copier. Pas la peine, tu sais. Pyromane en effet. Et trop speed, j'ai la clique énigmatique. Prada c'est musique, maintenant tu sais qu'on est élastique. Qu'est-ce qui se passe, on a la clique supersonique. MC maintenant, t'es pété la tectonique. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Inaninini, oh, oh, oh. Vai se lamentar. Mentiras e inveja não vão me destruir. Sugar o meu sangue não vão conseguir. Sempre vou lutar, nunca desistir. De me love e eco sound chegou e tá aqui. Suas propostas não fazem sentido. Sua presença é sinal de perigo. Mas seu final já está escrito. Queima no inferno até o infinito. Ripping the place from the vampire. Ripping that place from the vampire. Ripping that place from the vampire. Ripping that place from the vampire. Ripping that place. Ripping that place from the vampire. A super like that. A super like that. A super like that. Super super like that. A super like that. A super light, a super light, a super light, a super light. Ripping the place from the vampire, ripping the place from the vampire, ripping the place from the vampire, ripping the place from the vampire, ripping the place, ripping the place from the vampire.